émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Maska. Et ça y est, c'est reparti pour une nouvelle semaine avec Maska. Comment va? Ouais, ça va. Hein. Bon, ça y est, on y est. J'ai envie de dire, ou presque. On y est dans 7 jours. J-7. Ouais. J-7, 7 jours avant la sortie d'Espace-Temps, ton album solo. Ouais, exactement. Voilà, sortir après Gims, après Black M, c'est au tour de Maska de débarquer dans les bacs. C'est ça. Alors, on se sent comment? Il y a quoi? Une pression particulière? Il y a. Avant la sortie de chaque album, que ça soit section ou en solo, donc en solo on le sent un petit peu plus, mais ouais, il y a quand même on est avant le top départ en fait. On est là, on se concentre, on est devant la ligne de départ et le coup de feu va bientôt retentir et il va falloir courir. Bon, t'es content quand même, très toi content, est-ce que t'es content de voilà du boulot sur cet album, sur ce solo? Complètement, parce que ça fait 3 ans que je travaille dessus. Et ceux qui ont validé la qualité musicale de cet album-là, c'est ceux qui ont validé la qualité musicale de tous les albums de Section d'Assaut. Donc c'est les membres de Section, c'est l'entourage. Mmh. Donc le premier challenge, il est réussi. Il est accompli. Le premier objectif est accompli. Je suis content. Tout le monde est content de l'album. C'est bien produit, je me suis donné à 400% dessus, donc je suis satisfait. Bon, et tu le disais, en effet, c'est vrai que on retrouve le cocon familial, hein, puisqu'il y a des membres de la section, il y a aussi l'Institut qui a beaucoup bossé autour, on en parlera, j'en vois d'ailleurs une partie de l'Institut qui est là. Yes. Effectivement. Ce soir avec nous, bienvenue à vous tous, messieurs. Yeah. Bienvenue. Bonsoir les auditeurs de Skyrock, bonsoir Fred. J'ai envie de vous poser la question conne du jour, mais archivalidé l'album Espace-Temps de Maska? Tu me poses la question à moi, je l'ai suivi là pendant un an. J'ai bossé un peu avec lui. Franchement, c'est... Et je m'en rends pas compte parce que je l'ai pas encore. Il est là, regarde. Moi, je l'ai dans mes mains. Tu vas l'acheter. Hier, on était en répétition et je me mangeais des claques encore, tu vois. Mais véridique, hein, par certains sons. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'attendre lundi, là, de l'avoir et voilà, d'écouter. Et bon, on va pouvoir le découvrir cette semaine entre 20 et 21. On va saluer aussi une jeune fille qui est avec nous, qui est présente sur l'album. Et comment? Qui fait partie, je disais, du cocon familial aussi de l'équipe Watibé. Complètement. Mademoiselle Linda Sherazade, elle est avec nous, ça va bien? Ça va et toi? Bon, toi aussi, écouter l'album entièrement? Ah, toujours. Non, Maska, moi je le supporte depuis déjà très longtemps. Enfin, c'est lui qui me supporte plutôt. Oui, c'est inversé en fait. Voilà. C'est dans les deux sens. Voilà. Et puis, voilà, c'est vraiment un vrai album bien abouti. Et puis, ça fait super plaisir d'avoir posé dedans. Voilà. Bon, on va débuter avec un morceau dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on va mettre en premier? On va mettre le titre Rien sans les autres. Ouais, Rien sans les autres, ouais. C'est parti. Alors, Rien sans les autres, faut préciser. Donc là, il y a ce qu'on appelle des insta de gratte. Donc je sais pas. Je suis calé maintenant sur l'insta gratte. Voilà, je pense que ça y est, toi, je sais pas si tous les auditeurs de Sky sont calés dessus. Mais en tout cas, voilà, dès que tu précommandes l'album, il y a des titres qui arrivent. Donc là, déjà, si tu précommandes l'album, t'auras déjà Prêt pour moi, Profiter de ma life et Rien sans les autres. C'est l'exclusivité du jour. Voilà, elle est disponible et c'est un morceau qui a été lancé. Vous avez commencé à le jouer aujourd'hui. Donc c'est le single en solo de mon album et qui reflète bien ma personnalité, ma façon de penser. Donc j'en suis très fier et n'hésitez pas à précommander l'album. Ouais, vous l'avez tout de suite. Voilà, là vous avez le morceau tout de suite. Rien sans les autres, on va débuter avec, mais juste avant de débuter, ce que je voulais qu'on retrace un petit peu musicalement. Alors on n'a pas pris tous tes morceaux, mais on a fait un petit medley de quelques morceaux cultes de Maska. Okay. On l'écoute, tu nous dis ce que t'en penses. Super. Juste après. Salut, c'est Maska, viens découvrir mon nouvel album dans Planète Rap. Est-ce que je dois profiter de ma life bien avant que ma vie s'écoule? Dormir, sortir, que faire de ma naïve? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout de suite, toi t'es sauté. C'est une course poursuite, moi je m'épuise. J'ai sûrement perdu ma vie. Bang bang. Je n'ai pas fait tout ça, toutes ces études pour être sur le banc de touche. Je pète un plomb, un plan bagage, j'ai rien à foutre, j'suis dans le coup. Daron, je laisserai pas la misère m'abattre. Direction la banque, je fonce. Faudrait pas que la mort m'attrape. Bang bang, j'ai sûrement perdu ma vie. Bang bang, je navigue sur un tsunami. Planet Rap. Bang bang, j'ai un grain de folie, j'ai charme et tago. Jeune plan poli, je fous la merde comme la cocouche. Un grain de folie, le bon tape dans les bacs. Jeune plan poli, je fous la merde comme la cocouche. Un grain de folie, un grain de folie. Un grain de folie, un grain de folie, folie, un grain de folie, un grain de folie, folie, un grain de folie, un grain de folie, folie, folie, folie. Ils veulent arrêter la guerre avec un drapeau. drapeau taché de sang. Yeah, yeah. Arrêtez la guerre avec un drapeau taché de sang. Un drapeau taché de sang. Non, non. Un drapeau taché de sang. Yeah, yeah. Comment arrêter la guerre avec un drapeau taché de sang. Celui de ma passion car tous mes tarbes me déplaisent. On cherchait que la reconnaissance, on voulait pas parler d'espèces. Maintenant tout dort la reste, même si nos passés les berges. Ça veut acheter des caisses, attaquer le marché des steaks. Cherche pas trop la lumière, le soleil brûle ta peau. Oui, le succès de vue m'appelle tu le crapaud. Ma direction, ma direction. Tu vois moi je te l'ai, t'accroche moi quand je te l'ai. Tu rêves ma quand je te l'ai. Ré, ré, ré, ré. Si tu t'emportes je te l'ai. Enfonce ma porte je te l'ai. Touche à mon pote je te l'ai. Ré, ré, ré. Je m'arrête de merde, pourtant je marche en plein Paris. Tu me rabaisses plus pas de terre quand tu veux dicter ma vie. J'ai plus temps. Espace temps le 20 octobre dans les bacs. Qui t'amène dans la merde, fonce des foutus sous. Là je suis pas bien. Donc la morale tu vas la faire à d'autres. À l'ancienne, section d'assaut, Masca, Leblanc, sur Skyrock. Lève ton verre, lève ton verre, lève ton verre, lève ton verre. Mes rides qui m'empêchent de lui sourire, je veux pas rester en vie jusqu'à la voir mourir. Tes larmes piquent mes plaies, j'aimerais te contenter à jamais. Je maudis ce jour. Dédicace à toutes les mamans du monde. Tu n'oses pas, tu n'oses pas. Yeah. Tu n'oses pas. Skyrim. Je reste loin des ennuis. Chixi. Ok, Shinsekai. Dajou Aboutal. Watibé. Maintenant je me méfie comme un homme en sursis. 20 octobre dans les bacs. Rester loin des ennuis. Planet Rap. C'est pas différent, je dépends pas de ce qu'on pense. Quand on perd nos proches, c'est pas nos plaies qu'on pense. Bien sans les quand autres, du bien, y a très disponible sur iTunes. Mais te suffit, dès maintenant, grosse exclus Skyrock. Je suis comme les autres. On est tous pareils, on est rien sans les autres, frère. Rien sans les autres, rien sans les autres. La peau sur les autres, les biens sont les vôtres. On se rejette la faute, les uns sur les autres. Voilà le petit medley. Ah non, là, ça m'a bien un truc là. Je me suis dit, ah mais en vérité, je suis peut-être quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Et encore, on n'a pas tout mis. Hein. Encore, on n'a pas tout mis parce qu'il y en a d'autres. Franchement, hein. lourd. La liste est longue. Ça m'a rappelé des souvenirs. Ouais, c'est vrai, merci. Des bons souvenirs. J'ai vu aussi que autour, pareil, hein, ça rappelait des, ça rappelait des bons souvenirs. L'équipe, voilà. L'équipe s'est réveillée. Ouais. Bien sûr, c'est. On oublie des fois, sincèrement, on oublie qu'ils ont un grand parcours, qu'ils viennent de loin, je te jure. Ça fait un moment qu'ils sont installés, tu vois. Mais sans mentir, comme je te dis, à chaque écoute, en fait, tu te manges des bas. Et la France entière, parce qu'on est déjà en top 8. Eh ouais, numéro 4, pour l'instant, top 4. Bravo, bravo. Merci à tous. Le 20 octobre dans les bacs. Merci la France. La France, je t'aime. Avec le hashtag Masca sur Skyrock. Vous balancez vos messages. On balance, bah tiens, le morceau, on a fini le medley avec. Yes, c'est rien sans les autres. C'est celui qui est dispo à partir d'aujourd'hui. Quand on précommande l'album, là, on le reçoit directement. Exactement. Le titre, dispo. Rien sans les autres. Masca, et ça sort lundi dans les bacs. 20 octobre. Yeah. On voit chez les autres ceux qui se cachent en nous. Oui, c'est un défaut qui nous unit tous. On se sent au-dessus des gens, sur eux on s'accoude. Et on tend la main que quand on est dans la boue. T'étais censé faire du genre, mais t'as rendu tes parents fous. Tu parles pas la même langue depuis 5 ans, tu parles en sous. Décapé t'es le magot, t'oublies tes potes, tu pars en douce. Mais à quoi sert ton gamos dans un désert ou dans la brousse? Je fais pas de différence, je dépends pas de ce qu'on pense. Quand on perd nos proches, c'est pas nos plaies qu'on pense. Quand on fait du bien, y'a très peu de récompenses. Mais ta morale te suffit, n'hésite pas, recommence. Les erreurs, qu'est-ce que la peur de l'étranger ne rassure pas la France. Elle s'auto-terrorise et n'assume pas sa chance. Tu m'as donné la force, j'ai pas su la prendre. Le mal est normal, car le bien est étrange. Quand t'as rien mangé, t'envies les gens la dalle au ventre. Solo contre tous, c'est comme un crachat face au vent. La modestie est belle, la jalousie est arrogante. Je vais finir incompris comme un indien qui parle aux plantes. Même les boxeurs défendent des coups, leurs adversaires. Des choses me poussent au crime, mais pas du pas, je suis pas Dexter. Rien à dire, l'homme est space, ne parle que par l'espèce. Tu sais mon frère ce que t'aimes, debout quand il s'éteint. Des éloges, qui les aiment. Je suis qu'un ange, comme les autres. Et une heure sans les fautes. Rien sans les autres, la peau sur les autres, les biens sont les vôtres. On se rejette la faute, les uns sur les autres. Gardons le reflet, vos yeux joignent les défauts. Gardons le reflet, vos yeux joignent les défauts. On se croit tous meilleurs que les autres et c'est pour ça que personne ne l'est. En réalité les anges ne sont pas à Los Angeles. On agit chacun pour soi bien qu'on soit rien sans les autres. On aimerait être parfait, je serais pas humain sans mes fautes. L'homme est sociable malgré tout l'ego qu'il a. Les députés s'emballent car y'a le ghetto qui râle. On a plus besoin des autres que de ce béto qui fane. Papa sans toi la vie n'est qu'un ego qui crame. Les éloges qui résonnent. Espace-temps comme les autres. Comme un album, frère. Rien sans mes fautes, rien sans les autres. La peau sur les autres, les biens sont les vôtres. On se rejette la faute, les uns sur les autres. Gardons le fait, vos yeux joignent les vôtres. Gardons le fait, vos yeux joignent les vôtres. Gardons le fait, vos yeux joignent les vôtres. Gardons le fait, vos yeux joignent les vôtres. Masca, le blanc. Album Espace-temps. Disponible dès la semaine prochaine dans toutes les bacs. Sur Skyrock. Masca, le vent top dans les bacs. Yeah. Voilà ce morceau à l'instant, extrait de l'album qui s'appelle Espace-temps, rien sans les autres. Yes. Et donc yes, il est dispo. Si vous précommandez l'album là tout de suite, vous l'avez directement. Je vois que les gens kiffent le morceau, il y a beaucoup de réactions, donc merci à vous pour le soutien. Téléchargez le truc, faites le machin et tout est. Et bim bam boum, et clic clac clac. Voilà, clic clac clac, bim bam boum. Et puis tout à l'heure, il y aura le live de Rien sans les autres. Et puis aussi, le live, ça veut dire que cette semaine, il y aura beaucoup de live. Je vais donner beaucoup de mon album pour vous, pour le plaisir de vos oreilles. Donc il y aura un gros live avec Linda. Ça sera un morceau aussi qui est extrait de l'album qu'on va faire ce soir. Juste après, Rien sans les autres, qu'on fera aussi en live en fin d'émission. Mes peines perdues. Voilà. Exactement. On pourra le découvrir tout à l'heure. Peine perdue. On va saluer. Regarde qui est là aussi avec sa magnifique veste. Hey, mais qu'il est beau. Mec, il est beau. Il est beau. Black Jackson. C'est vrai. Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est Black Jackson. C'est vrai qu'un. J'ai voulu bire un truc ce soir. Ah. Tout alors attention, Monsieur Black est là avec nous. Calme. Black Jackson. Je suis là. On t'écoute. Tu veux dire quelque chose sur cet album, sur Espace-temps? Sur l'album Espace-temps. J'ai tellement de choses à dire sur cet album. Pour commencer, je vais dire que c'est l'album le mieux écrit de tous nos albums. C'est pas un dream que je suis en train de te dire. Parce que Masca, c'est l'écrivain de la section d'assaut, c'est celui qui vraiment écrit a des textes très très très très profonds. Et d'ailleurs, t'as dû l'entendre là dans les titres que t'as sur, t'as... sur l'album, c'est vrai qu'on le ressent. On pourrait en parler sur les différents morceaux. Il y a voilà, il y a un petit peu aussi ce côté un peu nostalgie. Enfin, il y a plein de choses autour de l'album qu'on pourra découvrir et parler sur les morceaux qu'on diffusera. Ouais. En fait, avec cet album, tu vas le connaître. Il se livre énormément. Bien plus que nous tous d'ailleurs. Et voilà quoi, c'est la surprise. C'est la surprise. C'est le troisième album solo de la section d'assaut et c'est une grosse surprise que les gens ils vont se manger dans la gueule. Il a raison de le préciser. Black M, c'est vrai qu'on dans le luxe. On a aussi une image de toi, voilà, qui est un peu introverti, qui est un peu peut-être enfermé un peu sur soi. C'est vrai que tu te livres beaucoup sur tel. C'est un exercice compliqué ou pas, Mascade? Non, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. Moi, ma relation avec la musique, elle est comme ça. Elle est pas comment je suis dans la musique. C'est pas comment je suis dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, j'ai beaucoup plus l'habitude d'être plus léger, de plaisanter, etc. Et moi, pour moi, la musique, c'est une sorte de manière de pas de me confesser, mais de sortir ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, je mets tout dans la musique. Toutes mes peines. C'est pour ça qu'on a fait un morceau qui s'appelle Mes peines perdues, etc. Je le mets dans la musique. Mais après, sur la couleur quand même globale ben, de l'album, j'ai tenu à ce que ça soit quand même éclectique. J'ai toujours du mal avec ce mot. Éclectique, ouais. Ah, mais il y a certains mots comme ça, ouais. Éclectique. Ouais, voilà, polyvalent. En tout cas, il y a plein de morceaux qui font respirer, justement, parce qu'il y a beaucoup de sens assez chargé. Donc, il y a d'autres morceaux qu'on va vous faire découvrir tout au long de la semaine qui sont plus entraînants, on va dire. C'est vrai que c'est, après, il faut trouver l'alchimie quand on fait un album. Je pense que pour toi, c'est pareil aussi. C'est trouver des morceaux un peu plus profonds où tu te livres et puis d'autres morceaux plus légers. Voilà, exactement. Moi, je voulais faire un album qui a la couleur de Section d'Assaut, mais avec ma couleur mise en avant. Comme simplement. Profiter de ma life, qui est un morceau. Voilà, c'est un titre qui profile Section d'Assaut. Voilà. Ouais, et puis il y a d'autres titres aussi. Je crois qu'il y a un clip qui arrive demain, Ying et Yang. Ying et Yang. On avait le droit d'ailleurs dans le Planète Rap du Wati Boss extraordinaire, le live avec Abou de Bang. Yes. Yeah. Donc, ouais, c'est vrai, le clip, il est dispo demain à 20h sur le site watibé.com et on va te le faire voir en exclu. Magnifique. Voilà, on va te le faire voir. Et on fera également. Il y aura une surprise demain. Une grosse surprise demain. On dit rien. Bon, tout va bien sinon, Black M en forme. Ouais, ça va. L'album les yeux plus gros que le monde. Exact. La réédition, c'est pour bientôt, novembre. Ouais, 17 novembre. Et puis la tournée, une grosse tournée aussi. On a entamé la tournée là. C'était le 11. Ouais, c'est ça, c'était le 11 avec Lausanne. Et c'était ce week-end. Cool. Et prochaine date, c'est Bordeaux. Pessac, ouais, du côté de Pessac. Bordeaux. Le 17 octobre, ensuite Dijon le 23 octobre au Zénith, Lyon 24 octobre, un peu partout. Peut-être qu'il y aura des clins d'œil avec Masca qui se baladera aussi. Moi, je serai sur la tournée à partir du 23. Voilà, donc là, il y a toute une tournée Watibé aussi, donc à partir du 24, le Radiant à Lyon, le 25, l'Axone à Montbéliard. Le 29, le Zénith à Nantes. Le 30, le Liberté à Rennes. Le 31, le Zénith à Caen. Le 7 novembre, le Zénith de Rouen. Le 8, l'Aérome de Lille. Le 14, au Zénith de Clermont-Ferrand. Après, il y a Montpellier, Marseille, Toulouse, Paris, Amiens, Pau, Le Mans, Amnéville. Grosse tournée. Black M près de chez vous. Et donc Masca qui fera aussi un petit tour sur cette tournée. Ouais. Le Wati Boss est arrivé également. Il est juste derrière. Voilà. Bienvenue. Salut mon gars. Voilà. En forme. Ouais. Ben là c'est le troisième album du frérot. Mmh. Et comme on peut l'entendre, Masca c'est quelqu'un qui laisse rien au hasard. Et son album, quand vous allez l'entendre, vous allez voir que voilà, il a vraiment travaillé dessus. C'est un album qui est vraiment à son image. Et voilà, là on est là. Toute la famille est là pour le soutenir et voilà, on lui souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite. Et je pense que les gens qui vont écouter l'album, ils vont vraiment voir que c'est du vrai rap et les sons sont vraiment lourds. Et bon, on va le découvrir cette semaine. Qu'est-ce qu'on met comme morceau maintenant, Masca? Est-ce qu'on revient d'ailleurs sur un petit Profiter de ma life? On en parlait. Ouais. Morceau plus léger qui fait partie de l'album. Yes. On le balance? Yes, c'est parti. Allez, c'est extrait. Et puis Masca sur Skyrock pour réagir avec le hashtag Masca sur Skyrock. Vous balancez vos messages. Le 20 octobre dans les bacs. Dormir, sortir, que faire de ma rendez-vous life. Le 20 octobre à la Wati Boutique Châtelet. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma life. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Uh-huh. Je veux tout de suite. Toi te soutiens. C'est une course poursuite. Moi je m'épuise. Wesh Gava, tu te pavanes. T'as sorti la Gova et les bravas. T'es de passage, c'est le bazar. T'as provoqué les passants même en passage. On te connaît, t'aimes rigoler. Mais personne n'aime te croiser quand t'as trop picolé. Okay. Tu veux une équipe, tu veux embrouiller l'un d'eux. Arrêtez mon gars, sur non, on se verra main d'eux. Est-ce que je dois profiter de ma life? Docteur Belize, avant que ma vie s'écoule. Tu sais qui il est? Sortir, que faire de ma naïve. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Quel génie. Tout de suite. Mais 20 ans dans les vagues. Espace-temps, motivé. Moi je m'épuise. Je veux pas la baraka Drake. Je veux monter un humble de bien barricadé. Ah. Demande à Baraka D. Le dream c'est la famille, tout le reste est gâté. Petit je voulais tout de suite. Je voyais les choses en grand, fallait pas que touche que le smic. Petit, ferme ta bouche, hein. Parler d'argent ici en France c'est tabou, hein. On n'est pas dans le pays d'Obama. Si t'as réussi ta vie on te regarde mal. Mais c'est pas de débattre si les gens parlent mal. Bienvenue à les gros yeux. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma naïf. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tout de suite, quand t'es sauté, c'est une course poursuite. Moi je m'épuise. Je suis entouré de bif, de meufs, de débaf, que faire? Dis-moi que faire? Finir à BKO en Maybach, il faut le faire. Docteur Belize, tu n'as pas le temps, deux, trois poteaux qui t'attendent. Un beau mytho pour madame, ça passe, elle va m'y dors, ça t'arrange. Bouteille à tes refaits, en place avec tous tes refrains. jolie métisse. Que faire? Mes yeux fatiguent. J'te sers. Vous connaissez les refrains. Fonce dès jusqu'à demain. Tu crois déchirer être au-dessus des hommes. Mais t'es déchiré, tu dors sur le sol. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma naïve? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Espace temps de bon top. Tout de suite, dans tes soutis. C'est une course poursuite. Moi je m'épuise. Qui a sous-estimé mes lois? Celle de l'bord. Des vins en plein dans les bras. C'est dans 7 jours la sortie le 20 octobre, Espace-temps, yes. Album de Masca qu'on découvre et le morceau avec Dr Berriz à l'instant. Très lourd, très ambiançant. Et Black M qui est là aussi ce soir avec nous, venu supporter la sortie de cet album Masca Espace-temps. Ouais. Entre 20 et 21, on va faire un petit jeu justement, Masca, on va revenir sur cet album et un petit jeu sur tout ce qu'on peut lire sur toi, vrai ou faux, tu me le dis. Okay, c'est d'accord. Les nouvelles du net, tout ce qu'on voit sur le net, tu me dis vrai ou faux. D'accord. Par exemple, première affirmation, tu passes plus de 2 heures par jour à la salle de muscu. Non, c'est faux ça. Enfin, plus depuis, enfin, je suis pas trop muscu en réalité. Je fais beaucoup de boxe anglaise, mais ouais. J'ai pas trop musclé. Donc ça c'est faux. Tu t'es mis au rap uniquement quand la section d'assaut a été créée. Avant tu kickais pas. Ah non, ça c'est complètement faux. Donc ça c'est faux. Ouais. Non, c'est tous mis à rapper quand on avait 12-13 ans, on va dire. Et après, section d'assaut, ça a été créé quand on avait 15-16 ans, donc on rappelait déjà depuis un moment. C'est bien de le rappeler aussi, parce que c'est vrai que parfois les gens ont l'impression que section d'assaut, ça a explosé depuis quelques années, mais il y a eu tout un boulot et un long boulot d'ailleurs. Ah ouais, c'est une histoire de presque 20 ans. Une longue histoire, ouais. Ouais. Vous voyez qui. C'est toi, Black M. Moi, chiffre, parce que ça date. On a fait des missions dans des bateaux, le bateau allait couler, bateau phare. Ah oui, ça partant. Bah, c'est bien raconté d'ailleurs, il y a eu un bouquin sur la section d'ailleurs. Ouais. Qui est paru il y a un an à peu près, vous revenez oui justement sur cet épisode où vous étiez tous partis motivés et à la fin vous étiez de retour un peu dégoûté quoi. Ouais, c'est vrai qu'on était un peu dans notre bulle, on se disait mais on est les meilleurs du monde, on est les plus forts, on est partis, ils nous ont giflé la première partie. J'étais témoin. Mais après on a rien lâché. Attends, c'est des bonnes leçons, c'est-à-dire que quand tu reviens, tu dis bon, il y a encore du boulot quoi. Bah, après on avait déjà ce caractère là, on a rien lâché. Le premier après du concours au final, c'était Gims, après deux fois, après Black M. Donc ce qui fait que voilà, on lâchait pas l'affaire, on s'est pas laissé décourager, ça nous a motivé plus qu'autre chose. D'ailleurs pareil, vu sur le net, on va revenir sur le Fight Games, il paraît que t'as habité en coloc avec eux. C'est pas vraiment de la coloc, on va dire. C'est du squattage. C'est de la coloc ghetto, tu vois, t'es là, t'as tes potes, ils sont là, tu vas dormir chez eux, ils vont dormir chez toi, et voilà. Ton album devait s'appeler Intemporel, mais c'est la maison de disque qui a pas voulu. Non, hein, c'est pas la maison de disque, c'est le prochain album qui s'appelle Intemporel. D'ailleurs, quand tu vas acheter Espace-temps, tu soulèves le CD et écris En attendant Intemporel. En attendant Intemporel, c'est une quoi? Une sorte de, peut-être trilogie que tu vas faire ou? Non, une c'est biologie. Une biologie. La biologie. La biologie, ouais, un petit peu de biologie, ouais. Ouais, il y aura une continuité en tout cas. Ouais, il y aura une suite parce qu'il y a un concept en fait avec l'album là, quand tu l'achètes, où tu vois que je suis dans un sablier et que le sable est en train de monter, de m'étouffer. Tu retournes la pochette, tu vois que le sablier va exploser sous la pression du sable qui est complètement pleine. Et après, sur Intemporel, ça sera la suite de cette pochette. Bon, ben on découvrira ça par la suite. Là, il y a des espaces-temps déjà, ça sort lundi. Exactement. À propos justement de la pochette, il paraît que t'as pompé la pochette à Booba. Ouais, on m'a dit ça. Là, il y a plusieurs. Après, je comprends pas, la comparaison. Pas, ouais, mais moi aussi, j'avais pas capté parce que je me souviens que t'avais dévoilé le visuel dans un Planet Rap. C'était peut-être pour les Whatty Boss. Je sais plus où. Ouais, t'étais venu. C'était ça. Venu. Et c'est vrai que oui, bon, il y a le sablier. C'est vrai qu'il y a le sablier sur Temps Mort aussi, mais. En fait, moi, j'avais bon. Espace-temps, donc c'était autour du temps. Et donc, je réfléchissais beaucoup à la base. Je me voyais pousser un sablier pour péter le temps, etc. Je me prenais la tête avec Fifou, celui qui a fait la pochette, ouais. Et après, moi, quand je regarde cette pochette, ça me parle beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis à l'intérieur d'un sablier. Et pour ceux qui connaissent Section d'Assaut, on est pris entre notre passion et le temps. Et on sait que le temps, il joue pas en faveur de notre passion. Et quand on me voit à l'intérieur du sablier, que je vais étouffer, pris par le temps, et que malgré ça je m'accroche au micro qui est en train de prendre, pour moi c'est un concept qui n'a rien à voir. Mais après, quand et la photo de profil, moi je voulais même pas cette photo de profil, je l'aimais pas à la base. Ils m'ont dit mais non, elle est bien tout ça. Après j'ai appris à l'aimer, on va dire, et au final ça a donné ça. Je comprends la comparaison quand les gens disent ça ressemble, mais je me suis pas inspiré de lui. Bon, en même temps, Black M, on est dit, il s'est inspiré sur Jackson, hein. Il y avait le même truc aussi, mais ça peut être des clins d'œil aussi. C'est des clins d'œil, ouais, voilà. C'est rien, au pire des cas on dirait que c'est un clin d'œil. Voilà, pas faire tout temps des histoires pour rien. Voilà, l'important c'est l'intérieur et ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Tout simplement. Enfin, dernier vrai ou faux vu sur le net, il paraît que t'es en studio avec le reste de la section pour l'album Le Retour des Rois. Non, c'est pas vrai. C'est pas d'actualité. Non. C'est pas tout de suite. Non, là on est sur nos carrières solo. Très bien, bah, la carrière solo, c'est dans 7 jours maintenant pour Masca, espace-temps. J-7. J-7. Et puis je rappelle que si on précommande l'album tout de suite, il n'y a rien cadeau. Sans les autres. Voilà. Cadeau, et puis pas que ça, hein. Il y a aussi le profiter de ma life qui est pris pour moi. Allez-y, l'album espace-temps, on peut y aller les yeux fermés et cliquer dessus pour le récupérer. Et aussi, voilà. Quand vous achetez l'album espace-temps, il y a la réalité augmentée qu'on a mis. Ah, donc, il y a des petites surprises à l'intérieur. La fameuse réalité augmentée. La fameuse réalité, voilà. Bon, il faut télécharger, je sais juste qu'il faut télécharger l'application. Ouais. Voilà. Et après, tu pointes ton téléphone sur la pochette, et puis dans le livret, il y a deux vidéos en exclu pour vous. Donc, allez-y, allez télécharger l'application. C'est l'application Watibé, réalité augmentée, je crois. On peut la trouver un petit peu partout. On va revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'on mettra, Masca, comme morceau? Prêt pour moi, enfin. Prêt pour... Bah voilà, ouais. Très bien. Comme on est lundi, on va revenir sur. C'était le premier extrait, celui. Ah non, t'avais balancé. J'avais balancé. Non, c'était le premier extrait de l'album. Oui, c'était le premier extrait, celui-ci. Après, il y a eu Rec, un morceau un peu plus ghetto, on va dire. Et après, profiter de ma life et là, rien sans les autres. Et bah, bougez pas dans un instant. La suite de ce Planète Rap consacré à Masca et vos messages avec le hashtag Masca sur Skyrock. Masca a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est le Planète Rap consacré à Masca cette semaine entre 20 et 21. L'album Espace-Temps arrive lundi, il est déjà en précommande. Allez-y. Yes. L'album de Masca qu'on découvre entre 20 et 21. Et la nouvelle, je viens de la prendre dans l'oreillette, nous sommes premiers entêtés. Merci. Ça s'applaudit d'entrée de jeu, bravo. Merci à tous. Ouais, soldats et soldates qui balancent des messages. Merci à tous les soldats, merci, c'est grâce à vous qu'on est là. Voilà, merci premier. Derrière le lien, il y a un lien qui est sponsorisé, donc on est premier. On vire le lien sponsorisé, on est numéro 1. Masca avec nous entre 20 et 21. Petite question aussi pour repartir avec l'album dédicacé de Masca ce soir. C'est si on suit Masca, si vous avez déjà été, parce que j'ai vu que tu avais balancé aussi la pochette, donc les réponses vont être assez simples. La question, quels sont les featurings de l'album? Qui avec Masca sur cet album? Allez-y, 41-759 avec le hashtag Masca sur Skyrock pour repartir avec votre album dédicacé. On en connaît déjà une bonne partie. Est-ce que je peux te dire un petit truc? Vas-y, on t'écoute. Rapidement, il y a la séance dédicace qui va avoir lieu la semaine et celle qui suit de la sortie de mon album. Donc, je serai à la Wati Boutique, 29 rue de la Ferronnerie à Paris le 20 octobre à Châtelet. Être là pour vous, pour voilà, ceux qui ont un album, ils auront un t-shirt offert, espace-temps, donc tu vas me voir dans un sablier sur ton t-shirt. Donc t-shirt collector. Exactement. Je serai aussi à Food Corner Épinay le 27 octobre au centre commercial Lilo à Auchan. Lilo Auchan. Donc 27 octobre. Le 27 octobre au Food Corner d'Épinay. Au Food Corner du Havre, le 28 octobre au centre commercial Le Grand Cap. Voilà, c'est celle où Black M a déjà fait sa séance dédicace. Et à la Wati Boutique de Marseille le 1er novembre. Voilà. Donc allez-y si vous voulez rencontrer Masca avec l'album. En plus, vous repartez avec le t-shirt collector. Exactement. On va mettre le morceau qui s'appelle Prix pour moi. Yes. Un petit mot aussi avec Gims qui a bossé aussi sur l'album à tes côtés. Ouais. Oh, voilà. Ouais. Ça, c'est un morceau. On écoutait la prod. Lui, il avait des prods. C'était en 2011. On était dans sa voiture. Et j'ai dit, ah non, Gims, celle-là, bloque-la moi. Je la kiffe trop, tout ça. Il a commencé à chantonner une petite mélodie comme à son habitude. Après, on a trouvé les paroles ensemble. Et puis voilà. Et l'aventure Prêt pour moi maintenant sur le disque. C'est vrai que t'expliquais que cet album, c'est quand même 3 ans de boulot, hein, mine de rien. Ouais. Tu l'expliques comment? C'est dû au fait à l'écriture? Toi, t'as besoin d'avoir du temps, revenir sur les morceaux? Il faut vivre des choses pour être sincère et puis pour pouvoir parler avec le cœur, on va dire, entre guillemets, même si ça fait un peu naïf de le dire, c'est la vérité. Donc ouais, il faut du temps pour vivre des choses et puis pour les mettre en forme. Parfois, il faut pas forcer l'inspiration. Il faut laisser les choses venir. Et puis aussi, il y a énormément de morceaux que j'ai pas gardé. J'ai gardé la crème de la crème. Il y a 15 titres, mais j'aurais pu en mettre 40. Toi, t'as enregistré où? Même en tournée, t'as enregistré aussi? Tu profitais de la tournée ou? En fait, moi, je produis tout le temps, que ça soit dans ma voiture, en marchant, en tournée. Là, actuellement, je suis en train de faire un gros truc. Un nouveau titre. Voilà, un nouveau titre. Ouais, un truc qui se prépare chaud là. Mais non. Sinon, j'enregistre chez Renaud. J'aime bien pour tout ce qui est des prises de chant. C'est un bon coach vocal. J'ai fait des cours de chant aussi pendant la réalisation de l'album pour pouvoir assumer 2-3 mélodies. Voilà. Ouais. Ça a été tout le travail sur ces 3 années, ouais. Ouais. Et tu le disais, beaucoup de morceaux mis de côté. Je dis, j'aime pas dire jeté parce que c'est on pas garde jeté, les meilleurs. Mais... Donc ceux qui ne méritaient pas d'être sur Espace-Temps n'y sont pas. Voilà. Là, il y en a 15, ils méritent tous d'y être. Exactement. On balance Prêt pour moi, c'est parti? C'est parti. Avec Gims, yes. C'est Masca et c'est dans les bacs lundi prochain, le 20 octobre. Je vais sûrement perdre ma vie. Bang, bang. Je navigue sur un tsunami. Bang, bang. Je suis un psychopathe. Mon arme suit au pas. Bang bang. Je compte sur toi. Si je meurs, prie pour moi. Bang, j'ai 17 piges, j'ai besoin d'argent, je puis grave mon shit dans la street. Je rêve de pouvoir, je rêve de royaume dans des halls qui sentent la piste. Pour moi, ma vie, mon avenir rime avec l'argent facile. Seul, je manie mon navire, les keufs attendent que j'avire. Tous mes potes sont déjà tombés, alors je sonne leur plaie quand j'envoie des mandats et des mandats. Mais là, j'ai pas fait de maille dans ce mois. Donc, quiconque me doit des thunes, va payer sinon le bitume. Cogne grâce à tête très fort, je veux pas qu'on prenne pour une vie de pute. Les mecs du quartier d'en face me font tous les nerfs. Ils me pensent rêve, mais ils savent pas que même seul touche les baisse. Ils me doivent des sous, ils me prennent pour qui depuis des mois, je patiente. Ils profitent que je sois sans équipe, faut que ces bâtards la sentent. Mon ref est au placard à la santé, j'ai son tarpé. Pas question de m'en écarter, je vais dans leur test les éclater. Un baiser pour ma mère, l'espoir du pardon divin. Le quartier dans mon cœur, mon cœur le 20 octobre dans les bacs, espace-temps. Bang bang, bang bang, je navigue sur un tsunami. Omega au placard, on est ensemble. Bang, bang. Je suis un psychopathe, mon arme suit au pas. Bang bang, je compte sur toi. Si je meurs, prie pour moi. J'ai la vingtaine, je suis clean, ma mère est fière de son fils. Jeune étudiant, sourire aux lèvres, j'ai le cœur en paix. Tu piges, garçon à part, je brille pas dans les boîtes de nuit. Mais quand je suis face à la lumière pour réviser mes livres. Mais la pauvreté m'a saoulé, j'ai ma famille à soulever. Solitaire et solide, tint à chaque fois je souris. Je n'ai pas soif de soumet, j'aimerais bien voir souffler. Ma mère qui s'écroule de fatigue allongée sur son lit. Vers où je donne tout, je me bats toujours même dans le gouffre. Mais mes efforts vont-ils payer, je sais pas trop, je suis dans le doute. J'ai besoin d'une bonne bourse, continuer l'école cousse. Celle que j'ai ne suffit plus, j'en la défaite qui m'entoure. Je n'ai pas fait tout ça, toutes ces études pour être sur le banc de douche. Je pète un plomb, un plan braquage, j'ai rien à foutre, j'suis dans le coup. Je prends le gun du daron, je laisserai pas la misère m'abattre. Direction la banque, je fonce, faudrait pas que la mort m'attrape. Bang bang, je vais sûrement perdre ma vie. Espace-temps, espace-temps. Je navigue sur un tsunami. Le 20 octobre dans les bang, bacs. Bang. Je suis un psychopathe, mon arme suit au pas. Lundi prochain dans les packs, lundi prochain dans les packs. Si je meurs, prie pour moi. Père de famille, français moyen, fatigué, stressé le quotidien. Ma femme est morte à l'accouchement, je n'ai grosse que ma fille, dédicace, mon pote qui vient. Ismaël, soir après le travail, dispare les plus rambales. Je suis chez Tiffy, il est violent, le bien que je lui donne, il me le rend mal. Renfermé, timide, j'accepte sa compagnie, c'est déjà ça. Parfois il me rend service, bien que son regard ne soit pas sain. En fait, l'amour de mon gosse, pour mon bien, c'est tout ce que j'ai. Ma jolie fille, c'est tout ce que j'aime, son regard innocent me gêne. En ce moment, le frigo est vide, donc je me déchire à l'usine. Mon seul pote, garde ma fille, si on la touche, je me fusille. Ce soir, je rentre tard, la petite est en pleurs. Elle dit me met une tarte, elle en tremble encore de peur. Mon seul pote, ce fils de lâche, a plus qu'en fera sa pudeur. Je vais lui mettre une balle dans le crâne pour me retirer ça du cœur. Tu m'as pris en tête en me faisant croire à de l'entraide. T'as du fusil chez toi, fais attention, ce soir je t'enterre. Je vais sûrement perdre ma vie. Le 20 octobre dans les bacs. Je navigue sur un tsunami. Espace-temps, Masca, le blanc. Je suis un psychopathe. Mon arme suit au pas. Bang bang. Compte sur toi, si je meurs, prie pour moi. Bang bang, je vais sûrement perdre ma vie. Le 20 octobre dans les bacs. Bang bang, je navigue sur un tsunami. What's it been? Je suis un psychopathe. Maracadama, bang bang, je compte sur toi, si je meurs, prie pour moi. Bang bang. Yeah. Le morceau s'appelle Prie pour moi à l'instant. On le retrouve sur l'album aussi de Masca. Espace-temps à découvrir cette semaine entre 20 et 21 avec l'Institut qui est là, Black M qui est là, Linda aussi. Yes. On va t'écouter chanter. John Café qui est là aussi. John K qui est là aussi. John K qui est là aussi avec nous autour de la table de Planète Rap entre 20 et 21. Et Linda, je disais, donc qui est présente aussi pareil hein, sur le morceau. On va vous écouter en live dans quelques minutes. Ouais. Morceau ouais, qui ouais. est. Ah oui, j'aime quand Linda chante en live. Ça fait un bon petit live. Mes peines perdues, c'est dans un instant. C'est celui-ci, il est né comment, Mes peines perdues, Masquin? Ça, c'est le morceau où je me livre le plus dans tout l'album. Et pour moi, c'était. J'apprécie énormément la voix de Linda. Il y a son projet, son album qui va sortir aussi dans l'année là, qui arrive. Donc on est beaucoup, on travaille beaucoup ensemble. J'écoute beaucoup ce qu'elle fait, j'apprécie énormément ce qu'elle fait. C'est une artiste qui a énormément de talent, qui a une voix exceptionnelle et atypique avec son identité. Donc pour moi c'était tout à fait logique qu'elle soit sur le refrain, parce que c'est un morceau qui fait appel à beaucoup de sentiments, où je me livrais énormément, et c'est pas n'importe qui peut mettre de l'émotion. Mmh. Et Linda correspondait parfaitement. Voilà. Toi t'étais surprise en écoutant le morceau d'ailleurs, Linda, ou pas? Ouais, moi j'aime beaucoup les morceaux personnels, donc quand il m'a proposé de le faire, de poser sur ce morceau, moi ça m'a fait hyper plaisir. Et c'était évident, pardon. Donc voilà, on l'a posé, et puis voilà, je suis super satisfaite du morceau. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et bon, on l'écoutera en live dans quelques minutes. Juste avant, il y a le freestyle par téléphone avec Jalal de Limoges. Salut Jalal. Ah, Jalal a raccroché, on va essayer de le joindre dans un instant. Jalal qui nous appelle pour faire un freestyle par téléphone. Et alors vos réactions aussi avec le hashtag Masca sur Skyrock, vous les balancez, on est toujours premier, hein, gros carton. Yes. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, si vous voulez télécharger aussi l'album, hein, puisqu'on peut le télécharger. Ouais, bien sûr. Il suffit de cliquer, en plus vous repartez avec des morceaux chaque soir. Exactement, rien sans les autres, directement, profitez de ma life et prie pour moi. Jalal, on t'a retrouvé. Ouais, désolé. Ça va bien, qu'est-ce qui s'est passé Jalal? Ça va, bah, le téléphone a coupé, je sais pas pourquoi. Bah voilà, écoute, on te perd plus, bienvenue dans le Planète Rap de Masca. Enchanté, bonsoir. Bonsoir. Ça va Jalal? Ça va très bien, ça très dit bien. Quoi à Limoges? Bon, ça va, il fait un peu froid. Ouais, il fait fresquet, mais en même temps on arrive tranquillement vers l'hiver. C'est l'automne. Bon, tu es prêt à rapper pour nous réchauffer tout ça? Ouais, on va essayer. Allez, une 30 pour tout défoncer, c'est parti. Ça marche. Ok. Yeah, yeah, préviens ta go, t'en méga débout, les filles tu râles, tu sais que c'est logique. Tu traînes qu'avec des meufs crades, ouais mec, on traîne qu'avec des gauchistes, tu sais que c'est logique. J'irai poser mon cul dans un Panamera, un cigare à la bouche et je peux poser sur Guantanamera. Mais la grosse dose, c'est ok, décompose, c'est choqué, ouais. Tout ce qui me débloque, soit que les gosses riches, les drogués. Barry ici, les mecs, on n'a pas le temps, ça fait déjà des années qu'on kiffe. Change de couple et tous les jours, vous faites vos albums à l'identique. Faut pas le faire, mais le bec pour le viral, l'histoire est chic, on les connaît. Mon équipe est la meilleure, donc ton équipe elle est paumée. Tu me rajoutes quand on a fait lever la bécane. Je vous ferai jamais goûter ma cam. Aucune guerre de Victoria, je veux juste me faire la meuf à Bécam. Faut les dans les veines, mais le bec vous le dira. Les soirées chic, on les connaît. Mon équipe est la meilleure, donc ton équipe elle est paumée. Wiki d'origami, toutes ces gamines on va plier. Toi ton équipe de PD, négro fragile, YMCA, ok. Wicked gang, yep. Yes, à l'instant Jalal en freestyle de Limoges. Bravo à toi Jalal. Merci. Petite dédicace, petit message à passer, on te retrouve sur le net aussi. Petite dédicace à toute ma ville, à Limoges, au 87. Et pour me retrouver sur le net, bah, Jalal, J-A-L-A-L, Jalal Musique sur Twitter. Et via YouTube, il y a tous les liens. Eh bah terrible, merci à toi Jalal. Eh bah je vous remercie. Pour ce freestyle par téléphone. Maintenant l'heure du live est venue, Masca, si tu es prêt. Ok, d'accord. On commence par quoi? Bah rien sans les autres, et puis après on enchaîne avec mes peines perdues. C'est parti en live, Masca, les images sont dispo sur Skyrock FM, sur l'appli Skyrock aussi, allez faire un tour pour mater l'ambiance du Planète Rap. C'est quand tu veux, Masca. Ok, c'est parti. Yeah. 20 octobre dans les bacs. Dans les bacs. Masca. Masca. Masca. Masca. Masca. On va chez les autres. Yeah. Yeah. Ok. What's it be? Yeah. On voit chez les autres ce qui se cache en nous. Oui, c'est un défaut qui nous unit tous. On sent au-dessus des gens, sur on s'accoude. Et on tend la main que quand on est dans la boue. T'étais censé faire du genre, mais t'as rendu tes parents fous. Tu parles pas ma même langue depuis 5 ans, tu parles en sous. Dès que t'as pété le magot, t'oublies tes potes, tu pars en douce. Mais à quoi sert ton gamos dans un désert ou dans la brousse? Je fais pas différent, je dépends pas de ce qu'on pense. Quand on perd nos proches, c'est pas nos plaies qu'on pense. Quand on fait du bien, y'a très peu de récompenses. Mais ta morale te suffit, n'hésite pas, recommence. Les éloges qui résonnent. J'suis qu'un homme comme les autres. Inhumain sans les fautes, rien sans les autres. La peau sur les os, mes biens sont les vôtres. On se rejette la faute les uns sur les autres. Car dans le reflet de vos yeux, j'vois mes défauts. Car dans le reflet de vos yeux, j'vois mes défauts. 20 octobre,

voilà, beaucoup de moments de vie, des moments de vie pas tout le temps drôle non plus. Ouais, c'est ça, c'est le morceau le plus triste de l'album. Enfin, le deuxième, il y en a un autre aussi qui est, où je me livre beaucoup. Et voilà. Ça s'appelle Mes peines perdues. Exactement. Avec Linda Sherazade, qui est aussi ce soir avec nous. C'est ça. Voilà. Dès la semaine prochaine, si tu veux te le procurer. Ou en précommande dès maintenant, allez-y, comme ça vous l'aurez avant tout le monde, là, dimanche. Voilà. Hop. Exactement. Vous récupérez l'album ce soir avec nous. Il y a une partie de l'Institut, il y a Linda. Il y a Black M aussi qui est avec nous. Entre 20 et 22 aussi, t'es. Giflé par le morceau Frisson seulement. T'es content pour le frangin aussi, ah, pareil ouais. Super content pour lui. Les gens vont découvrir un album. Un gros album. Voilà. Est-ce que t'as justement, toi, est-ce que t'as une vision de cet album? Qu'est-ce que t'attends de cet album? Parce que quand on voit l'album en solo de Gims, de Black M aussi, qui ont été des véritables cartons, voilà. Est-ce que toi aussi, t'as envie d'aller sur le même chemin? Est-ce que tu doutes un petit peu? Tu dis, bon, est-ce que mon album sera aussi accessible? Tu vois, il n'y a pas qu'éclectique, mais accessible aussi pour l'ensemble des gens, pour les gens qui ont été sur l'album de Black M, de Gims. Tu te dis ça aussi ou? Ouais, bah après, c'est un challenge. C'est très bien qu'ils ont eu un succès. Ça m'aide plus qu'autre chose. Donc nous on a toujours fonctionné comme ça, en se mettant des objectifs assez hauts. Donc moi j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc oui, j'ai des attentes. Après on verra. Voilà. Après chacun son histoire, chacun son identité artistique. Donc tranquille. Bon là on la sent bien en tout cas la tienne de sur Black M. Je pense que tu pourras pas dire le contraire. J'ai pas compris ce que tu Je disais on la sent bien son identité pour le coup. Ah ouais, mais c'est sûr et certain, ouais, il a une grosse identité. Je t'ai dit déjà rien que la plume ça fait toute son identité. Tout. Merci mon gars, sûr. Avec nous, Black M aussi ce soir pour le Planète Rap de Maska. L'album arrive le 20 octobre, à pas louper lundi prochain. Et puis on rappelle que le 20 octobre, t'es donc à la Wattie Boutique, séance dédicace. Yes, c'est ça. Que le 27 octobre, tu seras au Food Corner d'Épinay. Exactement. 28 au Food Corner du Havre. Yeah. Et Wattie Boutique de Marseille le 1er novembre. Exactement. Pour rencontrer Maska. Donc n'hésitez pas à aller faire dédicacer avec le CD Collector en plus. Ouais. Le t-shirt Collector. Et demain, vous aurez encore une autre surprise, un autre morceau en exclusivité. Donc restez branchés. Il y a aussi le clip Yin et Yang qui est avec mon acolyte Abou de Beng. Pas alcoolique. Ouais, ouais. Ton alcoolique. Son alcoolique. Dédicace à Dawala. Non, franchement, ça. Sincèrement, l'album Amaska, c'est, je pense, l'album le mieux écrit de l'année 2014. Il a baqué ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est réel. Je crois qu'il a pompé. Hein, j'insiste. Non, en fait, je reprends tes propos. Tu reprends les propos. Là, j'ai dit, il a baqué. Non, sincèrement, mais je suis ton backer dans tous les cas. Non, sincèrement, l'album, il a. Maska, elle a une plume, je te dis. À chaque fois que je réécoute un morceau. Mets bien le casque, parce que là, on va entendre que du Larsen, sinon. À chaque fois que je réécoute ses sons, je me mange des punchs dans la gueule et voilà, c'est ce qu'on aime dans le rap. Dans le rap, on aime l'impact, assembler des mots et voilà que ça fasse un effet fou et c'est ce qui se passe avec Maska. Franchement, c'est un grand honneur en plus d'avoir bossé avec lui. Tu vois là, je te parle, voilà, je suis ému. Je sens de l'émotion en tout cas. Je sais pas si c'est ton morceau que t'as fait aussi en live. Sincère. Et on a fait le clip demain, Ying et Yang. Le clip dispo à 20h sur wati-b.com. Raja, voilà, j'ai réussi. Et c'est un gros gros clip, vous allez être choqués. Ne bougez pas dans un instant, on va revenir et se dire au revoir pour cette première du Planet Rap de Masca. Mais juste avant, on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre la tournée événement de Soprano dans toute la France. Avec Christophe Dorly, salut Christophe. Salut Fred. Ça va bien Christophe? Ça va. Bah écoute, salut Masca, Black and Sa. Yes. Salut. Tu es prêt à faire tourner la roulette Christophe? Ouais. Roulette Soprano, cette semaine avec la tournée de Sopra. Près de chez toi donc, Christophe. Énervé Christophe, la roulette qui va s'arrêter sur... Et ben voilà, c'est Sopra, le 20 mars, Zénith de Paris, 20 mars 2015, tu y seras Christophe, t'as tes deux places déjà, c'est fait. Vas-y, merci. Tu veux une petite dédicace? Ouais, vas-y, on t'écoute. Je fais une petite dédicace à Benji Chilien, mon frérot, Marine Rodriguez, ma petite chérie. Je fais une dédicace à Nicolas, à Alexandre, gros big up à Alexandre, Cholfi, futur champion de boxe. C'est un gros big up à Masca et Skyrock. Et aussi Black M, je kiffe. Eh ben merci à toi beaucoup. Christophe, à très vite. Ah ben il est parti déjà Christophe, il est parti récupérer ses places. Merci Masca pour cette première soirée. Merci à vous tous. On rappelle que l'album c'est Espace-Temps. Exactement, le 20 octobre lundi prochain dans les packs. Il faut pas rater. Je tiens quand même à dire quelque chose parce que j'ai pas beaucoup parlé, mais je parle quand il faut. Alors vas-y. Ouais, bon, c'est la minute de Linda, on t'écoute. Voilà, c'est ma minute. Alors non, faut vraiment aller acheter l'album le 20 octobre dans les packs. C'est vraiment un album vraiment sincère et c'est une personne vraiment en or, Masca. Surtout humainement, moi je le connais humainement vraiment, je lui parle beaucoup et c'est il a toujours été là à mes côtés pour peaufiner mon album et me donner des conseils. Donc vraiment c'est une personne vraiment en or et il mérite le succès, je pense. Ce sera 2015 déjà pour eu, toi. Mais vraiment en solo. 2015 pour toi hein, Linda. Oui, c'est ça. Ça bosse dur 2015. Aussi. Oui, en voilà. Ce moment. Vous pouvez suivre d'ailleurs Linda post-tour hein. Linda officielle on Twitter. Peut voir quand vous la suivez, on sait qu'elle chante dans la voiture, le 20 octobre dans les bacs, le 20 octobre dans les bacs, je me casse, je fous la merde, le 20 octobre dans les bacs, venez nombreux à la Wati boutique, 29 rue de la Ferronnerie, y go. Et merci Black M d'être passé. Bah tranquille, hein, c'est le refrain, je suis obligé d'être là. Tu reviendras peut-être c'est dans la semaine. Obligation, ouais, je repasserai sûrement. Ouais, jeudi, il y a un gros live avec Black M. Après. Ouais, il y aura un live. J'aimerais bien être là pour la surprise de demain, mais je pourrais pas être là malheureusement. Mais c'est un gros truc j'ai demain. Hâte un gros de découvrir truc. Cette surprise c'est demain. C'est dommage, faudra filmer, m'envoyer les vidéos. Ouais, d'ailleurs, toi, t'as filmé, j'ai vu, tu nous prépares Minute Black, il y a toujours la Minute Black d'actualité. Toujours dispo ou pas? On peut toujours aller cliquer, la trouver. Toujours. Là, j'en ai fait une spéciale Masca. Spéciale le 20 octobre. Qui va arriver donc rapidement. Yes, très rapidement. Très rapidement. Merci aussi à toute l'équipe, à John K qui était là aussi, à Bouddha Bang, à toute l'équipe de l'Institut aussi qui était dans le coin. Merci à vous et on se retrouve demain. Oh là là, quel sérieux Pour l'alcoolique. Ah, tu tires presque, c'est tout, on évite de tirer dessus, mais. Bah, c'est lundi, on peut y aller tranquille. Vas-y, tout on doux, attendra demain tout doux. Pour la suite. Tout doux, rendez-vous demain pour la suite et n'oubliez pas, en instant de gratte, rien sans les autres, précommandez l'album. On veut qu'il monte sur iTunes, on veut un gros résultat parce qu'il y a eu un gros taf. Donc voilà. Merci Masca aussi. Merci à vous. On se retrouve demain juste avant 20h. Yes. Et là c'est Difool qui doit être connecté avec toute l'équipe de la Radio Libre. On va retrouver la Radio Libre de Difool. Coucou. Je me disais, vous êtes pas là. Si, on est là. Connexion établie. Après ce qu'a dit Linda, il n'y a plus rien à rajouter à Masca. Non, franchement. On voulait dire qu'on a commencé à découvrir l'album qui déchire tout ça, mais Linda a tout dit. Ouais. Salut tout le monde. Hein. Salut Linda. Salut Linda. Salut Marie. Salut Linda. Comment ça va? Ça va. Premier de Planet Rap. Ça y est, Masca, on y arrive à l'album. Enfin, à un moment que tu nous en parles, un moment qu'on y suit. On est là. Je passerai vous voir obligé dans la semaine. Ah bah, je vais te proposer avec plaisir, Masca. Tu reviens quand tu veux. C'est gentil. Y a pas de souci. Merci Black M aussi qui était là ce soir. Merci à Fredo, le grand Fredo. Merci à vous. Le maître de Planet Rap tous les soirs, 20h, 21h sur Skyrock. Et toute la semaine, c'est Masca à découvrir avec Espace-Temps, ouais, l'album c'est un qui super sort. Album. Oui, on a dit beaucoup de bien. Et moi, j'ai commencé à découvrir avec vous dans Planet Rap ce soir. Mais écoute-le donc, Difool, voyons. Mais j'écoute comme tout le monde dans Planet Rap. C'est ça, on découvre petit à petit. Sinon, tu nous l'amènes, Masca. Ah, je vous l'amène dans la semaine prochaine. Bah, avec plaisir. Ah, cool. Merci, Masca. Demain, on est là merci à partir de 20h. Oui. Yes, bonne soirée. Pour vous écouter tous ensemble. Et là, c'est parti, les 21h moins 8. Et bien, la Radio Libre arrive dans quelques secondes, dans quelques minutes. Allez, une minute et on se balance. Qu'est-ce qu'on se met? Tiens, on va se mettre un autre album qui sort aujourd'hui. La l'album de Soprano, un extrait de Soprano. Très bien, bonne idée. Hein, un petit gigoté tout à l'heure aussi. Ouais. Et puis toute l'équipe qui est là, vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20 dès maintenant. Gigoté. Oui, gigoté. Vous voulez qu'on commence par gigoté ou par Soprano? C'est comme vous voulez. Allez, Soprano. Ah, Romano, quelle classe. J'espère que Soprano nous écoute. Un petit jeune qui débute. Allez, on va lui faire. Parce qu'il sort l'album aujourd'hui, c'est pour ça, tu lui fais un peu de pub. Et un petit masca aussi dans la soirée à écouter aussi, peut-être. Même un gros masca. Ah oui, rien sans les autres, voyons. Il est rentré en playlist sur Skyrock, je le sais, je suis con, on peut rien me cacher. Il surveille tout, Pascal. Bon, on se retrouve tout de suite, nous, pour la Radio Libre. Et demain, vous, à partir de 20h pour Planète Rap. Et donc là, c'est parti, vous nous appelez, vous nous laissez des messages. On arrive donc avec Sopra. Allez, Fresh Prince. À toutes. À tout de suite.